de sable d'Attaque Québec. Aujourd'hui, au grain de sable, la Palestine à l'ONU, la crise économique acte 2 et le Forum international d'économie sociale. Alors bonjour tout le monde, c'est Valérie Blouin qui a le plaisir de vous retrouver au grain de sable pour cette édition du 24 septembre 2011. Alors pour la prochaine heure, ce qu'on vous propose, actualité internationale sous le thème de la Palestine, on vous présente également le visage de la crise économique qui se déroule en Europe et ses répercussions dans le monde. Et en deuxième partie, plus près de chez nous, on vous parle du Forum international de l'économie sociale et solidaire qui aura lieu à Montréal du 17 au 20 octobre prochain avec Nicole Moreau. Le grain de sable, je vous le rappelle, c'est de la musique engagée. C'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne qu'on connaît bien sous le nom d'Attaque Québec. Au retour, Cédric Leterme vient nous parler de la Palestine à l'ONU, juste après Dame, un groupe de hip-hop palestinien vivant en Israël, avec la chanson Born Here. À tout de suite! זוהי עונת צייד, הטרף הוא עוד בית של יונה המנסה לסרוט תחת שלטון העריץ בוא נעשה משהו אופטימי יותר אני כל יום אני מתעורר, רואה איזה אלף שוטר אולי הם באו לעצור סוחר הוא פה, הוא פה, או לא, הם באו להרוס את הבית של השכן שלו מה קורה פה? בוא הצינה סובבת את הגטו למה קשה לו? ומי יענה לו? לעם ואיפה שאלך תירוצים מקבלים את פניי עברתי על החוק, לא לא החוק עבר עליי די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, יש לי אמונה במשטרה אם תרצו אין זו אגדה עוד לא השארתם לי לבוא בפרסת לעמוד עליה ולבטא אותה מים לא חריף נחשו דרום כאן הרסתם את ביתי ואם זה לא חוקי מהם שלך בן דודי אני מנסה לבנות בית ומה שנבנה לי נמצא הדורם מאוש נמצא במקום שבו מלא אנשים עם הבטחות שיעבו את האוש שבקצה המנהרה אבל זה רק תחקור עוד רכבת ריסה לא בשיר הזה אין צנזורה יש גדר ביוב מסילה קרא לי זכת כתורה ותוסיף לי זה פלפל בצבע לבן ומה שיטת אש ממנו הוא אקדח שניתן וכל הזמנים שאמרתי רק נהיה להם חול ויש את האנשים שעומדים בתור שיש להם חיוך בחיוך וחיוך בסיבוך כל עוד הסיבוך בן אבל תדע שזה חבל סבוך מדי זה לא גזענות זאת ציונות די זה לא בורות זה רק התחפות בבורות מה אם לא חלק נחשו בית הרוס ובגינה שמונה מסילות וביום עוברות לפחות מתן רכבות מאחורי החורבה קדר הפרדה שאמור להיות בין הבית למסילה זה נמצא בין שליל לבין עצמי וטענת עירייה שהכל שם לא חוקי אז שנייה שנייה מה עם השכונות החוקיות שיש בהן? קופת חולים מוקפת בביוב גן ילדים מוקף בביוב אז אין תירוץ פשוט העלייה לערבים לא דאגה כאן לממשלה יש משאלה מקסימום יהודים על מקסימום אדמה מינימום ערבים על מינימום אדמה הבית הזה לא קיבל אישור מהחוק ולא תצליחו למחוק מה אם לא חריף נחשו לאום משלט Vous êtes toujours au Grain de sable, comme chaque semaine. J'ai Cédric Leterme qui est avec moi pour discuter de l'actualité internationale. Bonjour Cédric. Bonjour Valérie. Alors, tu voulais commencer par nous parler de ce qui se passe actuellement à l'ONU. Ben, pour rappeler, là, la Palestine est en train d'essayer de se faire reconnaître comme État membre. Et évidemment, ça a l'air à provoquer une crise diplomatique assez sérieuse, notamment avec les États-Unis et Israël, qui n'apprécient pas du tout l'initiative. Alors, on va peut-être commencer par le début. Pourquoi cette demande de la part des Palestiniens d'aller siéger à l'ONU? Mais pourquoi cette demande? En fait, finalement, c'est assez simple. On est tous plus ou moins au courant de l'état actuel des négociations entre Israël et les Palestiniens. C'est-à-dire que le processus de paix est complètement à l'arrêt depuis un an. Bon, il n'était pas très vaillant avant, mais là, c'est vraiment complètement bloqué depuis un an. La raison principale, c'est qu'Israël refuse, en fait, de suspendre la colonisation des territoires palestiniens. Or, bon, les Palestiniens en font, et on les comprend à préalable, pour négocier, c'est-à-dire qu'ils refusent d'aller commencer à négocier alors qu'Israël continue tous les jours de grignoter un petit peu plus leur territoire. Étant donné que les États-Unis refusent de faire pression sur Israël pour qu'ils suspendent la colonisation et qu'on reprenne les pourparlers, ben, la situation est dans une impasse et ça se dégrade considérablement pour les Palestiniens tous les jours, puisque je le rappelle, la colonisation se poursuit entre autres problèmes. Du coup, face à ça, ben, l'autorité palestinienne a décidé en fait de tenter un coup de poker, c'est-à-dire d'aller directement à l'ONU pour essayer de se faire reconnaître comme un État membre à part entière, quoi. Bon, alors, état de fait, mais qu'est-ce qu'ils espèrent en retirer? C'est quoi l'intérêt de la démarche? Mais c'est sûr que l'intérêt, en fait, au final, il est essentiellement diplomatique et aussi juridique. J'explique pourquoi. Évidemment, c'est pas parce que l'ONU reconnaît tout d'un coup un État palestinien que celui-ci va exister dans les faits. On n'est pas naïf à ce point-là. C'est-à-dire que tant qu'Israël occupe militairement les territoires palestiniens, tant qu'elle en contrôle, je sais pas moi, elle en contrôle l'économie, elle en contrôle l'accès à l'eau, elle en contrôle l'accès à l'électricité, elle contrôle les déplacements des Palestiniens, etc., etc. Donc, dans ce contexte-là, parler d'un État palestinien, quand bien même il serait reconnu à l'ONU, ça n'a absolument aucun sens, puisque cet État-là, finalement, ne contrôle absolument rien, donc il n'est pas du tout souverain. Du coup, le seul intérêt, en fait, d'une reconnaissance à l'ONU, mais il n'est quand même pas à négliger, c'est d'une part diplomatique, je le disais, ça renforce quelque part la légitimité des demandes palestiniennes, ça réaffirme, en fait, l'engagement de la communauté internationale à reconnaître le droit des Palestiniens à avoir un État dans les frontières de 1967, ce que Israël refuse, mais aussi, ça a un intérêt juridique. C'est-à-dire que ça leur donne accès en fait à toute une série de ressources et à toute une série d'institutions onusiennes qui ne sont réservées qu'aux seuls États membres. Alors parmi celles-ci, on cite souvent la Cour pénale internationale. Le fait d'avoir accès à cette Cour pénale internationale pour les Palestiniens, ça leur permettrait par exemple de poursuivre les Israéliens pour la colonisation, parce qu'il faut rappeler que la colonisation c'est considéré comme un crime de guerre par la CPI, c'est-à-dire c'est contraire aux conventions de Genève, quoi. Alors, le fait d'être État membre de l'ONU permettrait justement d'avoir accès à la Cour pénale internationale. Voilà, mais aussi à d'autres sources et à d'autres institutions. OK. Alors, donc, on voit un petit peu mieux ce qui les pousse à demander leur adhésion à l'ONU, mais maintenant, est-ce que ça a une chance de fonctionner, Cédric? Ça, c'est notre question. En fait, non, ça n'a aucune chance de fonctionner. En tout cas, pas... Non, moi je m'attendais à oui, mais non. Pas dans cette forme-là. En fait, pour que ça marche, il faudrait que le Conseil de sécurité de l'ONU approuve la demande. Donc, ce n'est pas l'Assemblée générale qui a le dernier mot, c'est le Conseil de sécurité. Or, pour rappel, le Conseil de sécurité possède des membres permanents, et les membres permanents ont un droit de veto. Alors, devinez qui a promis d'opposer son droit de veto à la demande. J'ai une idée, je crois. Les États-Unis ont déjà fait savoir, il y a des mois, qu'ils s'opposeraient. Ils l'ont répété encore récemment. Avant-hier, Obama a fait un discours aux Nations Unies en expliquant qu'il était contre. Et donc, ça n'a aucune espèce de chance d'aboutir. En fait, le mieux que les Palestiniens puissent espérer, c'est d'obtenir le statut d'État observateur non membre. À l'heure actuelle, ils ont le statut d'observateur non membre. Donc, ils pourraient demander à l'Assemblée générale à ce moment-ci, et non pas au Conseil de sécurité, d'améliorer leur statut, d'arriver à celui d'État observateur non membre. Et ça leur donnerait déjà pas mal d'avantages, dont le fameux accès à la CPI. Donc, ce serait un moindre mal, quoi. Oui, quand même. Mais bon, si c'est voué à l'échec, là, cette demande-là là, à l'ONU comme État membre, ben pourquoi quand même essayer là, au niveau pour la Palestine? Oui, ben pourquoi quand même essayer? En fait, je le disais, c'est vraiment un coup de poker. Mais bon, d'une part, le but, puisqu'il est diplomatique en partie, ben, c'est de faire pression sur Israël, ça c'est clair. C'est-à-dire de renforcer la position des Palestiniens en démontrant que la communauté internationale est derrière et fait de la reconnaissance d'un État dans les frontières de 67, un préalable aux négociations. Donc ça c'est une chose. Mais c'est aussi et surtout peut-être pour mettre les États-Unis sous pression et pour les mettre devant leurs propres contradictions. Il faut rappeler qu'officiellement, les États-Unis soutiennent la création d'un État palestinien dans les frontières de 67. Obama l'a rappelé encore récemment dans un discours. Et ils condamnent aussi officiellement la poursuite de la colonisation. D'ailleurs, ils en faisaient, il n'y a encore pas si longtemps, un préalable aux négociations. Ils ont abandonné ça sous la pression, en tout cas sous l'intransigeance d'Israël sur ce point-là. Donc, en fait, les Palestiniens, ce qu'ils disent, c'est « Bon, bah, très bien, si tout le monde est d'accord pour reconnaître notre droit à avoir un pays dans les frontières de 67, eh bien, allons-y, reconnaissons-le et prouvez-nous que vous êtes sérieux. » Évidemment, ils savent très bien que les États-Unis sont pas du tout neutres dans le conflit, comme ils prétendent l'être tout le temps. Les États-Unis se présentent comme un arbitre neutre du conflit, ce qu'ils ne sont pas. Ça fait très longtemps qu'ils refusent d'exercer la moindre pression sur Israël, qu'ils opposent systématiquement leur droit de veto à toutes les résolutions qui pourraient obliger Israël à faire face à ses obligations, même quand Israël viole grossièrement le droit international. Alors, les exemples sont très nombreux. Et continue aussi d'apporter à Israël un soutien financier et militaire colossal, malgré de nouveau l'usage souvent pas très correct qu'Israël en fait. Donc on voit très bien que les États-Unis sont partiales dans ce conflit-là, et en voulant finalement forcer les États-Unis à opposer leur veto à quelque chose qu'officiellement ils prétendent vouloir, donc la création d'un État palestinien, ben, les Palestiniens cherchent à les décrédibiliser une fois pour toutes et à finalement les obliger de tomber le masque, quoi. C'est sûr, et visiblement, les États-Unis prennent ça, la menace, au sérieux. En tout cas, ils ont l'air de prendre ça comme une menace. Mm-hmm. Si on en juge par leur réaction extrêmement nerveuse. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Israël aussi, d'ailleurs, a une réaction passablement hystérique. Il y a eu, ça fait des mois depuis que les Palestiniens ont annoncé leur volonté d'essayer ça, qu'il y a un balai diplomatique considérable qui se déploie de la part des États-Unis et Israël pour essayer de convaincre le reste des acteurs internationaux de ne pas soutenir la démarche palestinienne. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont plus que jamais isolés du reste du monde et ils veulent vraiment à tout prix éviter de donner cette image-là et à tout prix de devoir une fois de plus se retrouver dans une situation où ils sont en porte-à-faux par rapport au reste de la communauté internationale. Donc ça, c'est une chose. J'ajouterais aussi que pour les États-Unis, le gros enjeu, c'est clairement d'éviter que la relation qu'il entretient avec le monde musulman ne se dégrade encore plus. On sait qu'il est loin d'être au beau fixe. À la fin des années Bush, c'était catastrophique. Obama a essayé évidemment de réaméliorer un petit peu la relation. Il a fait notamment un très beau discours, comme il sait les faire, au Caire en 2009, où il a rappelé ses racines musulmanes, il a rappelé son engagement à une solution du conflit israélo-palestinien, etc., etc. Sauf qu'entre-temps, comme il sait aussi souvent le faire, il n'a pas suivi ses discours d'action concrète. Il a même aggravé la situation, puisqu'il a augmenté la guerre en Afghanistan, il l'a étendue au Pakistan voisin, la solution en Irak est toujours pas réglée, et il continue de soutenir inconditionnellement Israël. Donc, la posture des États-Unis par rapport au monde arabe est délicate. Ça pouvait passer tant que la population était contrôlée par des dictatures qui étaient alliées à l'Occident, sauf que entre-temps, il y a eu le printemps arabe, les peuples se sont un peu réveillés, et donc maintenant, la position des États-Unis est d'autant plus délicate que les nouveaux gouvernements qui vont émerger, ils ne seront peut-être pas démocratiques, mais ils seront obligés, en tout cas, de tenir beaucoup plus compte de l'opinion de la rue arabe, qui est majoritairement favorable, évidemment, à la création d'un État palestinien. Donc, si les États-Unis opposent un veto ici, dans ce contexte-là, ils risquent vraiment de perdre encore plus pied dans la région, et ça, évidemment, ils veulent l'éviter à tout prix. Alors, vraiment, c'est des révélations, encore une fois. En tout cas, ça révèle pour les États-Unis leur position un peu contradictoire. Mm-hmm. Merci beaucoup, Cédric, pour ces explications. On va donc suivre ça très, très, très attentivement dans les mois qui viennent, j'en suis sûre. Je suis certaine que tu vas revenir nous en reparler. Oui, certainement. En attendant, avant de continuer l'émission avec toi, et puis on voulait parler de la crise en Europe. Alors, en parlant de crise en Europe, on va s'écouter un flirt avec la crise de Trio. Yeah. crever le nez bourré par ton horaire. Tu ne sais plus quoi faire pour te distraire. Le sport du métro, le train, t'as raccroché. C'est le mouvement de foule qui te noie comme là où tu cours sans y penser. Le temps décompté, chaque minute pour gagner comme un chèque bien encaissé. Écraser ces millions de partenaires qu'il y a, écraser nos vendeurs de réverbères qui fait du ringard sa secrétaire, et qui se retient pendant la prière, qui pratiquera son art de la maîtrise, et de la crise, comment profiter des petites entreprises, de prison, avec la crise, elle est plus forte que toi, la crise. Elle est plus forte que toi, la crise. Toujours au grain de sable avec Valérie Blouin et Cédric Leterme. Alors, Cédric, donc on vient d'entendre le trio avec un flirt avec la crise. Alors, voilà, Cédric, le deuxième sujet chaud de cette semaine, c'est évidemment la crise en Europe. Oui, la crise. Donc, ça finit plus de s'aggraver, puis on dirait que ça menace l'ensemble de l'économie mondiale, semble-t-il, parce qu'on a vu que les bourses de la planète sont à nouveau en chute libre, en tout cas, si je peux me permettre. Donc, c'est ça. On évoque de plus en plus la possibilité que la Grèce fasse défaut. Mm-hmm. Les dirigeants européens n'arrivent pas à s'entendre. Et les autres pays, dont les États-Unis et le Canada, ben ça commence à s'énerver. Et puis, même, donc cette semaine, on a vu une occupation à Wall Street des citoyens new-yorkais, et même ça vient un petit peu partout des États-Unis. Mm-hmm. Qui occupe Wall Street et qui dénonce un petit peu le système actuel. Et c'est complètement la panique générale. Mais si je peux me permettre, on est quand même surpris, parce qu'on ne nous annonçait pas en 2009 que la crise était finie, que le pire était derrière nous. Là, je vais prendre une voix un peu plus de dirigeant. Et là, on est de nouveau au bord du gouffre et visiblement, personne n'a l'air de savoir ce qu'il faut faire pour éviter de tomber dedans. Alors, ma première question est celle-ci, Cédric, celle qui me vient à l'esprit. Comment ça se fait qu'on en soit de nouveau arrivé là? On la voyait un peu venir. Très bonne question, ceci dit. Bon, c'est sûr que ça peut paraître étonnant, effectivement, si on se fie aux principaux médias ou déclarations aussi des dirigeants à l'époque. Parce qu'en 2009, comme tu viens de nous l'expliquer, on nous annonçait que tout était fini, que le pire était derrière nous, que, bon, en tout cas, on était officiellement sortis de récession. Et puis, bon, ça ne pouvait que s'améliorer. Là, arrive la crise grecque. Suivi de l'Irlande, suivi du Portugal, suivi de l'Espagne, de l'Italie. La Grande-Bretagne va extrêmement mal, ses déficits publics explosent. Les États-Unis, pareil, le chômage est toujours à des taux historiquement hauts. Ils n'arrivent pas à relancer la croissance. Ils sont endettés à un point où on vient de... Bon, ici, durant l'été, on vient de dégrader leur cote de crédit. Donc ça, c'est quand même aussi une première historique assez spectaculaire. La première puissance économique au monde qui se voit dégrader sa cote de crédit, à mon avis, c'est un événement qui va faire date. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? Bon, comme je disais, les événements actuels, en tout cas la suite d'enchaînement depuis 2010... 2011, ils sont complètement incompréhensibles si on se fie au récit qui en a été fait par les dirigeants, relayée malheureusement avec zèle par les principaux médias qui manifestement n'ont pas fait leur travail là-dessus, puisque, ou en tout cas pas celui qu'on attendrait d'eux, puisque s'ils l'avaient fait, ils auraient trouvé une quantité de personnes quand même importantes, bon, qui sont peut-être moins médiatiques, mais qu'on trouve nous ici à attaque plus intéressante, qui leur auraient expliqué que tout ce qui se passe était entièrement prévisible, et la meilleure preuve, c'est que ces personnes-là l'avaient prévu, quoi. C'est quand même incroyable, tu me dis, là, c'est que tout ce qui se passe actuellement était entièrement prévisible. Il y a des gens, par exemple, on peut citer les connus, hein, on a Frédéric Lordon qu'on cite souvent ici à l'émission, qui est un des économistes vedettes, on va dire, du monde diplomatique, qui tient aussi un blog qui est affilié aussi du monde diplomatique, et c'est assez intéressant, si vous allez relire à lui ses articles d'il y a 2 ans, donc au 2009, à l'époque où on était en plein triomphalisme et sortie de crise et tout va bien, lui il prévoyait à peu près étape par étape ce qui est exactement en train de se passer. Donc je vous invite, incroyable. C'est un exercice de voyage dans le temps qui est assez troublant. Pareil pour Paul Jorion, qui est peut-être moins connu, mais en tout cas qui commence à l'être de plus en plus. Lui, il est anthropologue, sociologue, mais aussi ancien trader, c'est-à-dire qu'il travaillait avant pour les banques et il travaillait dans les salles de marché à vendre des produits financiers sophistiqués, etc. Donc il a un regard, lui, de l'intérieur sur la finance et sur ses dérives qui est assez intéressante. Et pareil, lui, sur son blog, qui est très bien fait par ailleurs, dans lequel des personnes invitées viennent discuter, il a aussi averti depuis le tout début de la crise que les réponses qu'on lui apportait dès le début, malheureusement, et ça s'est empiré par après, non seulement on n'allait pas résoudre la crise, mais allait tout simplement l'aggraver, quoi. Mais si je peux me permettre aussi, attaque. Donc attaque. Mais permets-toi. Aussi. Mais oui, hein. C'est vrai qu'attaque aussi. Il tient ce discours-là quand même depuis pas mal longtemps. Oui, attaque aussi. Bon, attaque Québec, c'est sûr. Maintenant, tout le réseau attaque, évidemment, tient ce discours-là, comme beaucoup d'autres organismes. On pourrait citer le CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, notamment, qui en Europe fait un travail formidable d'analyse de la crise et qui le faisait avant aussi que la crise éclate. Tous ces organismes-là qui luttent de longue date contre le néolibéralisme, qui avaient un petit peu prévu la crise aussi, ou en tout cas qui avaient dénoncé les dérives et les dysfonctionnements qui s'accroissaient sous le coup du néolibéralisme, ont aussi très vite dénoncé, évidemment, les solutions qu'on a apportées à cette crise, qui non seulement sont vouées à l'échec, mais en plus qui ne font que renforcer les causes mêmes qui sont à l'origine de la crise, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire, au juste ? Mais ce que je veux dire, c'est en fait, il faut retourner au tout début de la crise en 2007, c'est-à-dire au moment où la bulle qu'on a appelée des subprimes, c'est-à-dire ces produits toxiques hypothécaires américains, explose, au moment où cette bulle-là explose, on a expliqué, parce que c'est sûr que la crise maintenant, elle est liée à celle-là. C'est une crise des finances privées qui s'est transformée en crise des finances publiques, mais c'est la même crise, quoi. C'est simplement les États qui ont repris le poids de la dette des entreprises privées de l'époque, principalement des banques. Ils sont gentils, les États. Oui, ils ont été sympas sur ce coup-là. C'est, bon, en 2007, on a expliqué, hein, l'analyse principale qui a été faite de la crise, c'est que c'est dû à un manque de régulation. Les banques ont été autorisées à faire n'importe quoi. Il n'y avait plus aucun contrôle sur ce qu'elles faisaient. Donc, elles se sont un petit peu emballées sur des produits de plus en plus sophistiqués. Ça a fini par leur péter dans les doigts. Effectivement, c'est une partie de l'explication, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une cause qui est structurelle à ce qui s'est passé, c'est-à-dire que depuis 20 ou 30 ans, et c'est lié aussi au néolibéralisme, depuis 20 ou 30 ans, on a un creusement continu des inégalités qui a appauvri une partie croissante de la population et donc qui a obligé finalement le système à reposer de plus en plus sur l'endettement pour pouvoir continuer à fonctionner. C'est-à-dire pour que le système fonctionne, il faut que les gens consomment, mais si les gens ont moins en moins de moyens, ben, la parade qu'on a trouvée, c'est d'augmenter les dettes. Donc finalement, l'idéologie néolibérale, pardon, elle est doublement responsable parce que d'une part, elle a permis une explosion de la finance en prônant un laisser-faire absolu, donc effectivement en enlevant toute barrière qu'il y avait à l'activité de la finance, mais elle est aussi responsable parce qu'elle a rendu ce développement de la finance nécessaire pour pouvoir pallier à la baisse d'activité liée au creusement des inégalités, au fait que les gens avaient de moins en moins de moyens et donc ne consommaient plus. Donc, doublement responsable. Le problème, c'est que, évidemment, cette prise, cette explosion de la finance qui est devenue, qui a fini par prendre en otage l'économie réelle et qui a fini par fonctionner en vase clos, c'est-à-dire que les dettes entraînaient les dettes et la finance faisait de l'argent à partir de l'argent sans aucun lien avec l'activité productive réelle, ça reposait évidemment sur du vent. Et comme toutes les bulles, mais ça a fini par péter, en 2007 donc. À cette époque-là, plutôt que de profiter de l'occasion pour les États et les pouvoirs publics, plutôt que de profiter de l'écroulement complet de ce système-là pour reprendre le contrôle, pour nationaliser, pour finalement remettre la finance au service de la société, refonder le système économique sur une base plus juste, plus démocratique, plus respectueuse de l'environnement aussi, bref, repartir à zéro. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont signé un chèque en blanc à la finance, en gros, ils ont remis une pièce dans le jukebox pour que ça reparte, et tout ça à même les fonds publics, sans exiger évidemment la moindre contrepartie. Le problème, c'est que ce sauvetage-là des banques et du système financier, il a eu un coût énorme pour les finances publiques, non seulement directement parce qu'il a fallu donner de l'argent aux banques, mais en plus indirectement, puisqu'il a fallu que les États dépensent de l'argent pour soutenir l'activité, pour proposer des plans de relance, etc., pour éviter qu'on tombe dans la dépression. Donc, il se retrouve maintenant avec des déficits publics monstrueux. Donc, c'est pour ça que j'explique qu'on passe d'une dette privée à une dette publique. En fait, les États se retrouvent maintenant à devoir payer la crise que les banques ont causée. Ces déficits-là ne plaisent évidemment pas à la finance, qui a la mémoire quand même assez courte, puisqu'au moment où on a engrangé ces déficits, elle était bien contente de pouvoir en profiter. Maintenant, bon, ils commencent un petit peu à paniquer parce qu'effectivement, les déficits sont monstrueux. Donc, la finance, les marchés, somment les États sur en se tenant d'assainir leur bilan, ce que les États, une nouvelle fois, s'empressent de faire. Donc, on se demande bien à qui ils répondent, est-ce qu'ils répondent à leur population, est-ce qu'ils répondent au marché. La réponse est assez claire ici. Les États s'empressent de faire ce que les marchés leur disent. Donc, ils se saignent aux quatre veines pour assainir leurs finances publiques, sauf que du coup, ils tuent la relance. Donc, la situation économique se dégrade. Donc, les marchés remettent un coup de pression sur les États en disant « Regardez, la situation est encore pire qu'avant, vos déficits sont encore pires. » Donc, les États redoublent de rigueur pour... Et on enclenche un espèce de cercle vicieux qui n'a absolument aucun sens, quoi. Effectivement, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est complètement absurde. Mm-hmm. Puis en plus, ça, c'est, en plus, c'est l'argent des contribuables, là, à l'autre bout, on voit ça comme ça. Là. Mais comment on s'en sort de cette belle situation? Comment on s'en sort? C'est ça, on a un peu l'impression on peut tout à fait, les solutions sont là. De nouveau, il suffit de les chercher au bon endroit. C'est-à-dire que si on entend les discours officiels, c'est bon, il n'y a pas le choix, le marché est là, il faut le rassurer. Sauf que les marchés veulent tout et son contraire. C'est-à-dire qu'ils veulent non seulement que les États assainissent leurs finances, mais ils veulent en plus que les États soutiennent la croissance. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut sortir de la tutelle que les marchés exercent sur notre politique. Il faut reprendre le contrôle. Ça passe par plusieurs moyens. Ça passe par une reprise en main de nos instruments de politique économique. Ça passe notamment, et en Europe, ça va être inévitable à un moment donné, si on veut vraiment sortir de la crise, par une nationalisation du système bancaire et permettre aux États de reprendre le contrôle de leur politique économique et non pas d'être soumis aux injonctions de marché qui changent d'avis toutes les deux secondes et qui exigent en plus des choses qui sont proprement intenables. Donc ça, c'est à court terme, reprendre ce contrôle-là. Moi, j'ai aucune question. Oui, c'est ça. Donc, c'est la nationalisation des banques. Mm-hmm. Du système financier, tout à fait, pour faire en sorte que ça soit remis au service, finalement, des gens et non pas d'intérêts privés sur lesquels on n'a aucun contrôle. Mais ça doit provoquer quand même des tollés. Probablement que les gens ne sont pas d'accord, mais on l'a fait en 2007, hein. On n'a pas eu le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les banques étaient tellement dans le pétrin qu'il a fallu que les États nationalisent pour socialiser les dettes des banques, parce qu'elles ont un rôle primordial dans l'économie, les banques, c'est-à-dire qu'elles fournissent le crédit qui permet à l'activité de se faire. À partir du moment où elles ne remplissent plus ce rôle-là, et qu'en plus elles exigent des États des sacrifices que les États sont incapables de faire, eh bien, on reprend en charge et on s'occupe nous-mêmes, quoi. Donc ça, c'est à court terme. À long terme, évidemment, il faudra aussi instituer un contrôle démocratique à tous les niveaux. Donc c'est là qu'on ne peut pas juste se contenter de nationaliser et puis de faire en sorte que ça continue comme ça. Il faut que ce système financier qui revient dans le domaine public soit contrôlé de manière démocratique par l'ensemble de la population pour s'assurer qu'il serve bien les intérêts de la société dans son ensemble. Idem pour le système politique qui, on le voit, de plus en plus éloigné des considérations des citoyens moyens. Et idem pour tous les enjeux écologiques, etc. Donc, Ça paraît un petit peu abstrait comme ça. Il y a un cas concret où ça a été fait. L'Islande est un très bon exemple. Tout n'est pas parfait. N'empêche que l'Islande était un des pays où la crise a été le plus dure, qui était un pays qui était le plus dans le pétrin suite à la crise. Et bizarrement, actuellement, c'est un des pays qui s'en sort le mieux. Pourquoi ? Parce que l'Islande, à la suite... Bon, ils n'ont pas eu le choix. Hein. Ceci dit, le système financier était tellement énorme en proportion de la richesse du pays qu'une fois qu'il s'est écroulé, soit ils le laissaient s'écrouler, soit il coulait avec, donc ils l'ont laissé s'écrouler. Ils ont nationalisé, ils ont simplement assuré les épargnes et les dépôts des gens comme vous et moi. Par contre, tout ce qui était produits spéculatifs, fonds de pension, etc., ils les ont envoyés se faire paître. Ils ont aussi envoyé se faire paître l'Union européenne et le FMI par deux fois par référendum populaire qui ont dit non, on ne paiera pas leur crise qui se débrouille tout seul. On reconstruit nos trucs et on fait passer le social avant le reste. Donc tout ça n'a pas été fait par des gouvernements, par pur altruisme. Ça a été obtenu par une pression populaire. La rue s'est mobilisée de plus en plus en Islande. Ils ont fait tomber deux gouvernements. Et ils ont finalement réussi à convoquer une assemblée constituante pour refonder le pays sur de nouvelles bases. Donc ce qu'on voit, c'est que l'Islande s'en sort mieux. Par contre, l'Irlande ou la Grèce, qui en sont déjà à leur 3 ou 4e plan d'austérité pour satisfaire des marchés qui ne seront jamais satisfaits jusqu'à ce qu'ils aient tout eu, ben, eux s'enfoncent de plus en plus. Donc même sur une base purement économique, on voit que l'avantage est sur ce genre de solution-là. Alors, ben, tout un programme, Cédric, mais en tout cas, je vois qu'il y a quand même du pouvoir qui peut être retourné aux citoyens. Merci beaucoup, Cédric, pour ces informations. On invite donc nos auditeurs à aller parcourir le blog Frédéric Lordon, La pompe à finances, ou encore celui de Paul Jorion. Mais aussi pour ceux que ça intéresse, le monde diplomatique sort un supplément ce mois-ci consacré à la crise. Donc, c'est dans la série des manières de voir et ça s'intitule « La crise, la casse du siècle ». Vous pourrez y trouver plein d'analyses intéressantes sur la crise actuelle et sur les pistes de sortie. Mais en tout cas, merci Cédric, tu nous en as déjà proposé quelques-unes. Quant à nous, on se laisse pour la publicité. Au retour, c'est Nicole Moreau qui va nous rejoindre pour nous parler d'économie sociale. À tout de suite. C'est KRL 89.1. De jeunes conducteurs et vous êtes préoccupés par leur sécurité? Assistez à la conférence du Dr Chicoine. Vous apprendrez comment les aider à minimiser les risques et les dangers qui trop souvent sont la cause des accidents de la route chez les jeunes conducteurs. Cette conférence débutera à 19h et aura lieu au Collège François-Xavier Garneau lundi le 3 octobre, au Cégep Limoilou, campus de Charlebourg, mardi le 4 octobre. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Du 28 septembre au 1er octobre, le Festival de la chanson francophone Limoilou m'enchante présente quatre soirées uniques avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Robert Charlebois, le 28 septembre, Philippe Noirot, Jessica Vignon, Annie Poulain, le 29 septembre, Michel Buller, Bruno Brel, le 30 septembre et Mariem, le 1er octobre, seront au rendez-vous. Les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour. À noter que les spectacles du 29 septembre, hommage à Sylvain Lelièvre et celui de Marie-Lème le 1er octobre, sont présentés gratuitement. Tous les spectacles ont lieu à 20h à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou. Du 28 septembre au 1er octobre, la grande chanson, c'est à Limoilou. Billets en vente sur le réseau Billetek. Moi aussi, j'aurai quelqu'un qui m'aime. Votre radio vous propose son hit parade et ses nouveautés francophones à l'émission Nouveau Cru. Du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30 au 89.1. Sur cette magnifique mélodie, nous accueillons Nicole Moreau pour la première fois de la nouvelle saison 2011 au Grain de Sable. Alors, bonjour Nicole. Bonjour Valérie. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, quel est le sujet que vous voulez aborder avec nous aujourd'hui? Je trouvais ça intéressant de parler du Forum international d'économie sociale et solidaire qui va se tenir à Montréal du 17 au 20 octobre prochain. Ça concerne beaucoup de monde dans l'économie sociale, donc... Oui, pouvez-vous nous rappeler brièvement, c'est quoi l'économie sociale et solidaire? C'est un secteur économique qui n'est ni public ni privé, qui combine la production de biens et de services, elle combine, je veux dire, la production de biens et de services visant l'intérêt général avec des structures indépendantes de l'État et un mode d'entrepreneuriat collectif. L'action de ces entreprises est fondée sur des valeurs de solidarité et de démocratie, contribuant à la fois au bien-être social et à la croissance économique. Alors, l'économie sociale et solidaire regroupe l'ensemble des organisations à but non lucratif, coopératives, mutuelles, associations. Et donc, les organisations sont mises en place pour répondre à un besoin de la communauté dans laquelle elles s'insèrent. Oui, alors je vois que ça fait pas mal d'acteurs. Et oui. Puis donc d'économie sociale et solidaire, ça sera donc au cœur du forum. Donc, d'un événement international, je devrais dire. Donc, ça signifie qu'il y a quand même pas mal de pays qui vont y participer. Alors, est-ce que vous en connaissez certains? Bien, quand on réfère au site, le chantier d'économie sociale, qui est un peu comme l'espèce de maître d'œuvre, indiquait donc au 30 août dernier qu'il y avait plus que 1000 personnes provenant de 61 pays différents qui avaient fait connaître leur intention de participer à l'événement. Ces personnes proviennent autant des pays du Nord que des pays du Sud. À titre d'exemple, on peut penser à des gens qui vont venir d'Espagne ou du Mali. Génial, ça. Alors, pouvez-vous nous en dire davantage sur les participants attendus? Alors, les participants sont les acteurs de l'économie sociale et leurs partenaires au sein des instances gouvernementales, du mouvement syndical, des organismes de recherche et des institutions internationales. Et puis, la thématique là, de tout ça, là, c'est pour cet événement-là? En fait, c'est le nécessaire dialogue entre l'État et la société civile pour l'élaboration de politiques publiques en faveur de l'économie sociale et solidaire. L'objectif, c'est de viser un renforcement des partenariats afin que l'économie sociale et solidaire soit en mesure d'assurer le plein développement de son potentiel. Donc, si on peut dire, l'un des grands enjeux de ce forum sera d'introduire et de discuter des méthodes et pratiques facilitant la co-construction, donc le partenariat de politique publique. Ça doit être quand même intéressant, là, parce que il y a plusieurs pays, donc... Tout à fait, et les solutions peuvent être bien différentes. Mm-hmm. Puis le thème central, donc le dialogue État et société civile, dans le fond. Donc, ça, c'est du forum. Ça doit découler quand même de certains thèmes qui sont plus spécifiques, là. Donc, est-ce que vous en connaissez quelques-uns de ces thèmes? Oui. Alors, si on se rappelle, l'économie sociale et solidaire est issue des actions collectives locales. Les expériences les plus réussies ont donc un réel ancrage territorial. Un des thèmes spécifiques du forum, c'est celui de territoire et développement local qui permettra de préciser, dans la mesure du possible, le rôle des pouvoirs publics et celui des acteurs locaux. Mais il y en a d'autres aussi. Alors, partout où se développe l'économie sociale et solidaire, c'est aussi pour répondre à un besoin de création d'emplois ouvrant sur des pratiques de démocratisation dans la gestion du travail, ce qui me semble particulièrement intéressant. Tout à fait. L'économie sociale et solidaire se caractérise aussi par une nouvelle façon d'entreprendre dans tous les secteurs, par une approche collective rassemblant des engagements sociaux, économiques et environnementaux. On peut penser à des nouvelles formes juridiques, des nouveaux partenariats, des nouvelles façons de répondre à des besoins, des nouveaux modes de production. Alors, je comprends bien, les trois thèmes, c'est vraiment territoire et développement local. Ensuite, vous avez emploi et travail. Oui, démocratisation. Et démocratisation. Puis le troisième, c'est plus innovation et entrepreneuriat collectif. Exactement, ça ressemble à ça. Mais il y a aussi des ateliers qui sont prévus sur le thème de la finance et du commerce solidaire. On pense à tout le commerce équitable, par exemple, de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. C'est important au sud, mais c'est important aussi au nord pour tout ce qui concerne l'alimentation des personnes dont les revenus sont souvent insuffisants. Donc, c'est des sujets majeurs pour les gens du sud qui élaborent des politiques de sécurité alimentaire grâce à un dialogue avec des organisations de la société civile. Et puis, plus concrètement, là, pouvez-vous nous donner des exemples d'ateliers qui vont illustrer ces thèmes-là donc, que vous venez de parler? Alors, il y a des pages et des pages d'ateliers là, sur le programme. Je vais seulement en donner quelques exemples. Pour le thème territoire et développement local, il pourrait y avoir des ateliers sur approche émergente en développement local, partenariat entre élus locaux et société civile en économie sociale et solidaire, une gouvernance locale qui favorise la cohésion sociale et l'économie sociale et solidaire. Donc, ça, c'est vraiment territoire et développement local. Oui. OK. Ça s'adresse, c'est ça, un petit peu à tout le monde. Comme moi, je veux y aller, là, je vais au forum. Ou... Oui, c'est possible d'y aller. Faut s'inscrire. C'est comme tous les forums. Il y a des frais d'inscription. Si on ne reste pas à Montréal, oui, c'est ça. Etc. C'est ça. Alors, donc, ça, c'est pour le territoire et développement local. On pourrait revenir tout à l'heure. Donc, oui. Donc, puis pour le thème emploi et travail. L'emploi et travail, ça pourrait être, et c'est, le développement de la main-d'œuvre en économie sociale et solidaire, un facteur essentiel à la vitalité des entreprises. Ça se retrouve là comme pour n'importe quel autre type d'entreprise ou d'organisation. L'action pour la responsabilité sociale des entreprises comme contribution à l'économie sociale et solidaire et à des emplois décents, c'est-à-dire avec un revenu minimum et des conditions intéressantes. La coopérative comme formule pour la relance d'entreprise et la sauvegarde des emplois. Ah oui, puis oui, ça risque d'être très intéressant aussi et très d'actualité, n'est-ce pas? Enfin, pour le thème innovation et entrepreneuriat collectif. Alors, on pense au rôle de l'économie sociale et solidaire dans la mise en valeur et la gestion des ressources naturelles. Facteur extrêmement important dans le contexte actuel au Québec. Communication et nouvelles technologies issues de l'économie sociale et solidaire et économie sociale et solidaire en réponse aux besoins de base. Par exemple, il y a plusieurs ateliers sur le cas de l'habitation. Mm-hmm. On pense aux coop d'habitation, par exemple. Alors, d'autres ateliers sur ces thèmes spécifiques ont été organisés, effectivement. Il en est de même pour ceux qui sont déjà mentionnés, là, finance et commerce solidaire ou sécurité alimentaire. Cet événement, donc, on peut dire que cet événement se caractérise par la très grande diversité des sujets abordés. Oui, tout à fait. Et sur les objectifs visés dans le cadre du développement potentiel de l'économie sociale et solidaire. Eh bien, merci, Nicole, pour ce début. En tout cas, cette première partie là, concernant le Forum international, donc, que vous nous parlez présentement. Donc, mais avant de se pencher plus concrètement sur les retombées régionales de cet événement, on va écouter les Malpolis. Donc, on ne veut pas du travail. Quand tu seras grand, je trouvais ça con comme question quand j'étais enfant. Je travaillerai 8 heures par jour, 5 jours par semaine. À ce régime, j'aurais pas le temps de faire ce que j'aime. De bilan de compétences en stage de formation, tu te reconnais plus, t'as le vocabulaire de Macron. Y'en a 20 comme toi derrière pour prendre ce job qui a l'air chiant comme l'enfer. C'est parti, tu vas produire de la merde en tube. Et la fourguée à l'époque, j'en avais un peu de pub. s'emparer de tout ce qu'on jette. Pourquoi tout le monde n'a pas de quoi se remplir une assiette? Se trouver à toi-même en bossant que le lundi. Et ceux qui veulent une télévision tournent le mardi. Les malpolis, on ne veut pas du travail, mais par contre, c'est ça, on veut un forum international de l'économie sociale et solidaire, n'est-ce pas, Nicole? Absolument. Alors, je suis en présence de Nicole Moreau, qui vient justement nous parler aujourd'hui du forum international de l'économie sociale et solidaire qui se passera à Montréal du 17 au 20 octobre prochain. Alors, on voulait vous vouliez nous parler de quelque chose avant de parler plus concrètement des retombées régionales de cet événement. Oui, effectivement, je trouve ça intéressant de voir, de souligner la convergence des approches émergentes en matière de développement local. Mm-hmm. Alors, pour moi, comme l'économie sociale s'ancre dans le local, c'est important de penser au développement local. Alors, il est question, par exemple, d'Agenda 21 par la communauté urbaine d'Alençon. Alors, si on veut savoir c'est quoi un agenda 21, c'est la définition collective des priorités, des axes de travail et du programme d'action. Donc, on définit ensemble un programme de développement. Équateur, un nouveau modèle de gestion adopté par la province de Tungurahua. Renforcer la reconnaissance et la participation d'acteurs traditionnellement exclus des décisions de la province. Donc, on voit là l'objectif d'avoir une économie sociale inclusive. Mm-hmm, tout à fait. Au Bangladesh, une organisation mobilise les femmes pauvres des collectivités rurales et urbaines afin d'amorcer des changements politiques à l'échelle nationale au moyen d'activités de sensibilisation. Donc, éducation, mais aussi changement politique. Pour ce qui est du partenariat entre élus locaux et sociétés civiles, il est intéressant de voir que la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en place une série de programmes et de projets en faveur de l'économie sociale. Des agences favorisant le développement économique local ont été mises en place au Guatemala. L'objectif visé étant de favoriser la cohésion sociale et l'accès à l'économie locale des personnes pauvres et sous-employées, principalement par le biais de coopératives. Plus proche de chez nous, d'une certaine façon, géographiquement parlant, au Manitoba, un organisme appuie les initiatives des collectivités visant à revitaliser certains quartiers. D'autres initiatives visant des objectifs similaires ont été mises en œuvre en Inde et au Brésil. Alors, c'est super. Ça, c'est des beaux projets. J'ai hâte de voir. À un moment donné, on aura peut-être l'occasion d'entendre parler des retombées de ces projets-là dans ces communautés. Mais qu'en est-il à ce sujet au Québec? Alors, on peut dire que depuis le milieu des années 80, des corporations, c'est comme un exemple, des corporations de développement économique communautaire ont été mises sur pied dans les quartiers centraux des grandes villes. On appelle ça, l'acronyme est peut-être plus connu, c'est les CEDEC. Des structures de concertation et de développement soutiennent des projets et des entreprises rentables socialement et viables économiquement. Leur gouvernance démocratique représentative et leur capacité à mobiliser le milieu en faveur d'un développement plus équitable ont été jugées un succès par les gouvernements québécois successifs. Ah, excellent. Puis dans notre région, donc celle de la capitale nationale, savez-vous comment les acteurs de l'économie sociale vont s'inscrire par rapport à cet événement? Bien, j'ai rencontré la professionnelle responsable du dossier de l'économie sociale à la conférence régionale des élus de la région, Nathalie Gagnon. Elle s'occupe du pôle d'économie sociale de la région aussi. Il apparaît qu'à l'instar des autres régions, celle du Québec, celle de la capitale s'est organisée, si je puis dire, des rencontres hors forum avec des partenaires régionaux d'autres pays. Dans son cas à elle, c'était notamment la Wallonie-Bruxelles, mais aussi avec certains partenaires régionaux français, dans ce cas-là plus particulièrement sur le thème de la persévérance scolaire. Les objectifs sont de favoriser des échanges d'abord, des fois on peut s'inspirer des solutions pour trouver les nôtres, et également la collaboration avec ses partenaires. Les partenaires qui appuient l'économie sociale vont faire de même, notamment les grandes centrales syndicales québécoises. Alors, merci beaucoup, Nicole, pour en tout cas nous avoir présenté, nous avoir fait découvrir ce merveilleux forum. Alors, on va sûrement en entendre parler dans vos prochaines chroniques. Oui, ou de d'autres sujets. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler qu'il y a une manifestation citoyenne qui se tient aujourd'hui devant le Parlement sur la question de la corruption et la collusion dans le secteur de la construction. Manifestation qui vise à demander une enquête publique. Eh bien, merci beaucoup. Alors, sur ça, c'est déjà le mot de la fin. Alors, j'aimerais remercier tous les collaborateurs qui ont participé à cette émission aujourd'hui. Nicole Moreau pour sa chronique sur l'économie sociale, toujours aussi percutante. Un grand merci à Cédric Leterme qui, en plus d'assurer la réalisation de cette émission, s'investit à fond pour approfondir les nouvelles les plus controversées de l'actualité internationale. Alors, merci de nous avoir partagé ta vision. Je vous rappelle que les enregistrements d'émissions sont disponibles via le site de CKRL ou sur celui d'Attaque Québec. Vous y trouverez tous les détails de nos campagnes et la façon de devenir membre. Puis, si vous aimeriez qu'on vous lise en ondes, écrivez-nous vos commentaires, suggestions, opinions au courriel suivant, donc legraindesable@hotmail.com. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain à compter de midi pour une nouvelle édition du Grain de Sable. Cette semaine, à surveiller l'occupation qui est en train de se dérouler à Wall Street en plein cœur de New York. Donc, le Wall Street qui aurait vécu sa pire semaine depuis les trois dernières années. Mon nom est Valérie Blouin, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et et je vous laisse maintenant en compagnie de la charmante Olivia Vu, avec Contes de fées sur les ondes de CKRL, cette radio unique et merveilleuse qui cultive tes goûts.